إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on continue dans notre explication des paroles du Cheikh Zayd al-Madkhali dans son charh de al-Usul al-Thalatha. Et on est toujours arrivé dans le chapitre ou dans le point où le Cheikh explique les principes qui ont rapport avec al-Wala ou al-Bara. Et comme j'ai dit dans le premier cours, en général, quand on parle de al-wala ou al-bara, les ulama, surtout quand ils expliquent al-usul al-thalatha, ils se concentrent sur la question de al-wala ou al-bara par rapport aux mushrikin et aux kuffar de façon générale, c'est-à-dire de détester, de s'écarter des mushrikin et des kuffar, et d'aimer et de se rapprocher des mu'minin. Toutefois, le Cheikh Zayd al-Madkhali a voulu se concentrer sur un aspect de al-wala ou al-bara qui est très important également et qu'on oublie, c'est al-wala ou al-bara vis-à-vis des mubtadi'a, vis-à-vis des gens de bid'a. Et il clarifie donc cette question-là, et on a parlé des bid'a et des sectes qui sont apparues dans le passé à travers l'histoire, et le cheikh a commencé à donner des exemples par la suite des nouvelles sectes ou des nouveaux groupes de hizbiyya qui sont apparus dans les récents, à l'époque contemporaine, pour nous faire comprendre le danger de ces différentes innovations-là et comment on doit appliquer al-wala ou al-bara vis-à-vis de ces différentes tendances-là ou de ces différents groupes. Et donc, il parle maintenant des exemples de certains des fondateurs de ces groupes, comme par exemple, on a parlé de Hassan al-Banna, le fondateur des Ikhwan, l'Ikhwan al-Muslimoun, et on a parlé de Muhammad Ilyas al-Kandahlawi, qui est le fondateur de la secte des Tablir, Jama'at al-Tablir. Et on a donné une biographie ou une courte description de qui sont ces personnes. Et maintenant, le Cheikh il a donné des exemples de certaines citations, certaines paroles de Hassan al-Banna en particulier, qui montrent la réalité du manhaj de cet individu et qui clarifie sa aqida et son manhaj, et que c'est un homme qui était dans sa aqida et dans son manhaj en contradiction avec les salafus salih, avec les pieux prédécesseurs, et qu'une personne qui a des positions pareilles ou des opinions pareilles, des idées pareilles, ne peut pas être pris comme un modèle ou un exemple, ou on ne peut pas le prendre comme quelqu'un, comme étant une référence dans qu'est-ce qui a rapport avec la religion d'Allah et qu'est-ce qui a rapport avec le manhaj et la aqida encore moins. Donc on va continuer à la citation où on était arrivé après avoir parlé du fait que il prenait pour idée que le conflit qui existe entre les musulmans et les juifs, c'était uniquement un conflit économique ou un conflit par rapport au territoire. Et après avoir dit cette parole-là, puis après avoir clarifié la fausseté de cette parole, il parle maintenant d'un autre point qui a rapport avec la aqida. Donc le Cheikh Zayd al-Madkhali, il dit: « وَهَكَذَا يأتي المؤسس المذكور إلى باب الأسماء والصفات فيقول هذه نصوص نفوض أمرها إلى الله. خالف أهل السنة والجماعة في هذا، فأهل السنة والجماعة لا يفوضون المعاني ولكن يفوضون الكيفيات، أي علم الكيفية، علم كيفية صفات الله عز وجل يفوضونها إلى الله. أما المعاني فهي واضحة ظاهرة، لأن الله عز وجل خاطبنا بما نعرف ونفهم وأمرنا بتدبر هذا القرآن من فاتحته إلى خاتمته من أجل أن نفهم المعنى. وهكذا فيما يتعلق بوجوب البيعة السائرة في هذا المنهج الذي لا يجوز أن تطبق، وبالأخص في دولة مسلمة لواليها بيعة في أعناق المسلمين، نوابه وأمراؤه وقضاته، أي لا يجوز أن يكون هناك بيعة وإن سماها الإخوان المسلمون بيعة على البر والتقوى، فإن هذا تملص من الواقع. Donc, le cheikh, il explique premièrement la question d'une des paroles de Hassan al-Banna au sujet des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Hassan al-Banna, il a un livre qu'il a écrit justement qui s'appelle Al-Aqa'id. Et dans ce livre, il explique sa aqida et il parle de la question des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce livre. Et il mentionne que les textes, c'est-à-dire les nusus, c'est-à-dire les textes du Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionnent les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit nufawwidu amraha ila Allah, c'est-à-dire on renvoie leur compréhension à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la compréhension de la signification de ces noms et de ces attributs-là. On la renvoie à Allah subhanahu wa ta'ala en voulant dire on ne peut pas comprendre qu'est-ce que ces noms-là signifient et qu'est-ce que ces attributs signifient. Ça, c'est le madhhab de ce qu'on appelle al-mufawwida. Al-mufawwida, c'est une des voies ou une des croyances des mubtadi'a et des gens de kalam. Ils ont deux voies en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah. Une, c'est le tafwid et une, c'est التعطيل et aussi التحريف والتأويل comme il l'appelle. Donc soit qu'ils prennent les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils leur donnent une autre signification qui est contraire à la signification réelle, ou ils prétendent qu'on ne peut pas comprendre ce que ces attributs-là signifient, comme si c'était des mots ou des noms qui sont chinois ou dans une autre langue et qu'on ne peut pas savoir du tout qu'est-ce que ça signifie. Hein? Et des exemples de tahrif ou de ta'wil que ces gens-là font parmi les Asha'ira, les Maturidiyah, et les Mu'tazila et les autres, comme les Jahmiya et les Maturidiyah, et les Mu'tazila, ils prennent une attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils la nient, et, ou bien soit qu'ils la nient directement ou soit qu'ils la déforment dans son sens. Et donc ils ne vont pas dire par exemple que la main d'Allah c'est la main d'Allah, mais ils vont dire la main d'Allah ça veut dire la force, ou ils vont dire la main d'Allah ça veut dire la grâce, hein? Donc ils changent la signification de cet attribut là pour en fait nier la réalité, hein, de cet attribut. Ou bien la même chose pour le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au delà de son trône et qu'il s'est établi, hein, il s'est élevé au delà du trône, istawa ala al-arsh, on dit istawa ala al-arsh. Eh bien, eux, ils vont déformer le sens de cet attribut-là, qui est al-istiwa. Au lieu de dire que Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé au-dessus du trône, ils vont dire plutôt que Allah subhanahu wa ta'ala a conquis le trône, ou a pris le pouvoir du trône. Mais ils vont pas affirmer la réelle signification de cet attribut-là, qui est plutôt le fait qu'il s'est élevé au-dessus du trône. Hein? Et ils prétendent que le fait d'affirmer l'attribut tel quel, ça fait établir une ressemblance entre le Créateur et la créature. Et eux, ils prétendent vouloir s'enfuir de cette ressemblance-là. Donc, pour s'enfuir de cette ressemblance, de cette prétendue ressemblance, ils vont changer la signification de l'attribut pour lui donner une autre signification. Donc ils disent, au lieu de dire qu'il s'est élevé, si on dit qu'il s'est élevé, ça veut dire qu'on compare une créature, là, qu'est-ce que les créatures font quand ils s'élèvent au-dessus de quelque chose. Eh bien, ça, c'est une ressemblance entre le créateur et la créature. Donc, pour éviter ça, on va dire plutôt qu'il a conquis le trône. Hein? Et en réalité, si on regarde qu'est-ce qu'ils font dans cet exemple-là et dans les autres exemples de ta'wil et de tahrif qu'ils font, des déformations des sens, des attributs d'Allah, eh bien, c'est encore pire. La signification qu'ils donnent à l'attribut, pour s'enfuir du tajbir, comme ils le prétendent, de la ressemblance ou de l'anthropomorphisme, comme ils l'appellent, eh bien, ça donne une signification qui est encore plus égarée et plus grave que ce de quoi ils essaient de s'enfuir. Comme par exemple, si on dit, comme eux ils prétendent, que le mot istiwa, ça signifie de prendre le contrôle ou prendre le dessus du trône, ça voudrait dire que avant Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un avait le pouvoir du trône et que lui est venu pour reprendre son trône de cette personne. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement faux, puisque personne ne peut prendre le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala par la force. Hein? Donc imaginer une chose pareille, c'est ridicule. Et c'est pour cette raison-là qu'on dit à ces gens-là, parmi ces innovateurs, parmi ces gens qui déforment les attributs d'Allah, on leur dit, vous n'avez aucun besoin de changer le sens des attributs d'Allah. Vous pouvez les laisser tels quels, hein? Vous n'avez pas besoin de craindre une ressemblance entre le Créateur et la créature, parce qu'il n'y en a pas du tout, déjà en partant, il n'y en a pas de ressemblance. Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit clairement dans des versets, plusieurs versets dans le Coran. Il dit, « Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami' al-basir. » Il n'y a rien qui lui ressemble, et il est l'audient et le voyant. Hein, il dit وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Il n'y a rien qui est équivalent à lui ou qui lui est égal. Donc il n'y a pas besoin de faire le tahrif. Il n'y a pas besoin de faire de tahrif pour s'enfuir de ce genre de choses, puisque là, déjà en partant, al-istiwa, c'est un attribut de gloire pour Allah subhanahu wa ta'ala, du fait qu'il est au-dessus de sa création. Il est al-ali, hein, al-a'la, celui qui est le plus haut et le très haut, celui qui est au-dessus de toute chose, au-dessus de toute sa création, au-dessus de son trône, et il n'y a rien qui lui ressemble. Et dans son istiwa à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une istiwa qui lui convient, qui convient à sa majesté, à sa grandeur, à sa perfection. Et ce n'est pas comparable à l'istiwa des créatures. De même que la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une main qui convient à sa gloire, à sa grandeur, à sa perfection. Et les créatures ont des mains qui conviennent à leur état et à leur situation, puisque ce sont des créatures. Donc les créatures ont des mains créées, et le créateur, il a une main de créateur. Et on ne peut pas comparer les deux, ou essayer même de l'imaginer, ou demander le comment, ou essayer de le décrire. Hein? On s'arrête à ce que Allah a mentionné dans les textes. Et ça, c'est la position de Ahlus Sunnah wal Jama'a au sujet des noms et des attributs d'Allah. Hein? Et c'est pour ça qu'Allah dit laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, c'est-à-dire il n'y a rien qui lui ressemble et il est l'audient et le voyant. Donc on dit à ces gens-là, vous dites vous aussi que Allah voit et qu'il entend, sauf que vous êtes d'accord que son ouïe et sa vue n'est pas comparable à l'ouïe et à la vue des créatures. L'ouïe et la vue des créatures est limitée, hein, et imparfaite, tandis que l'ouïe d'Allah subhanahu wa ta'ala et la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est parfaite, hein? Et elle n'est pas limitée comme celle des créatures. Donc il n'y a pas besoin d'avoir recours à ce genre de choses qu'on appelle tahrif ou ta'wil, comme ces gens-là le prétendent. Puis une autre méthode qu'ils ont développée pour essayer de s'enfuir de l'affirmation des attributs, c'est de faire at-tafwid. Et at-tafwid, c'est de prétendre qu'on ne peut pas savoir qu'est-ce que ces noms-là signifient. Donc le mot istiwa, il y en a certains parmi les gens de Bid'a, comme ces gens-là, comme les Asha'ira et les Ahbash, la secte qui suit justement cette voie-là ou cette méthodologie-là. Eh bien, c'est ça qu'ils font. Ils disent, on ne peut pas comprendre qu'est-ce que ces noms-là. Ils disent, le mot istiwa, peut avoir plus que 15 significations ou 20 significations. Et c'est comme en voulant dire que le mot il peut avoir tellement de significations différentes que c'est impossible de savoir ce que ça signifie. Et ça c'est la plus grande des faussetés et le plus grand des mensonges, puisque tout le monde sait que même si un mot a plusieurs significations dans une langue, même dans la langue française, il y a des mots qui ont plusieurs significations. Et le fait qu'un mot ait plusieurs significations, si on le retrouve dans un livre, dans un texte ou dans une phrase, eh bien, quand on regarde dans le dictionnaire, on nous mentionne les différentes significations de ce mot-là selon le contexte, hein, et selon qu'est-ce qui est mentionné dans la phrase. Et selon le contexte, le mot va avoir une signification particulière. Et donc, la même chose pour qu'est-ce qui est mentionné dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on voit dans la révélation, dans le Coran et dans la Sunna, que l'attribut est placé dans un contexte, et quand on retourne dans les dictionnaires et dans les explications, des mots en arabe, dans les dictionnaires arabes, on regarde que les mots ont différentes significations selon leur contexte. Et donc, quand on veut savoir sa vraie signification selon ce contexte-là, on regarde et on trouve selon le contexte. Et donc, quand par exemple on mentionne le verbe ou le nom istiwa dans le Coran et qu'on l'emploie avec ala, yani istawa ala shay, ça a une signification qui veut dire le fait de s'élever et de monter au-dessus de quelque chose. Et ça ne peut pas avoir une signification autre que cette signification-là dans ce contexte-là. Donc de prétendre que parce qu'un mot peut avoir plusieurs significations ou plusieurs définitions, que ça veut dire qu'on ne peut pas savoir ce qu'il veut dire, ça c'est totalement ridicule. Hein? Et c'est facile à réfuter ce genre de choses. Et qu'est-ce que les gens comme Hassan al-Banna faisaient par exemple par rapport à ça? C'est d'essayer de prétendre que le manhaj des salaf, c'est justement de prétendre qu'ils ne savaient pas la signification des attributs d'Allah. Hein? Et ça, c'est totalement faux, puisque les salaf connaissaient et comprenaient la signification des attributs et des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils connaissaient la signification et l'interprétation des versets du Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le cheikh, il dit que Hassan al-Banna, il a contredit la voix d'Ahl Sunnati wal Jama'a dans cet aspect-là. Parce que Ahl Sunnati wal Jama'a, ils ne font pas le tafwid, hein, ils ne font pas le tafwid des significations des attributs et des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein. Qu'est-ce qu'on fait quand on parle du tafwid? En réalité, ça se limite uniquement au tafwid du comment. Et c'est ça ce que les salafs faisaient. C'est-à-dire que quand c'était la question du comment, ou d'essayer de décrire les attributs d'Allah, ou de les imaginer, ou des choses de ce genre, c'est là qu'il disait, on s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala, et on renvoie le commun des attributs d'Allah à Allah. Mais en ce qui concerne la signification de ces attributs-là, non, on la connaît, et on l'affirme. Hein? Mais Al-Kayf, non. Et c'est pour ça que les salafs, par exemple, ils disaient, comme Al-Imam Al-Awza'i, un parmi les imams des salafs, il disait, à l'époque où il y avait de nombreux tabi'oun, hein, à l'époque où il y avait beaucoup de tabi'oun qui étaient encore vivants, nous disions Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône, et nous affirmons ce qui est mentionné comme attribut dans les hadiths, hein, et dans les textes. Nous affirmons qu'est-ce qui est mentionné comme attribut pour Allah dans les textes. Donc ça c'est un exemple qui montre que les salafs, ils affirmaient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, certains d'entre eux parmi les imams, ils disaient à propos des attributs d'Allah, Amirruha kama ja'at bila kayf. Hein? C'est-à-dire, prenez-les tels qu'ils sont et laissez-les passer tels qu'ils sont sans ne poser la question du comment, sans essayer de demander le comment, comment sont ces attributs-là. Et certains parmi les salafs disaient aussi, Tafsiruha tilawatuha, c'est-à-dire l'interprétation de ces attributs-là, c'est de les réciter, puisque ce sont des mots arabes, de la langue arabe, que tous les les individus parmi les Arabes de l'époque étaient capables de comprendre. Ça fait partie de leur langue, ce sont des mots dans leur langue. Et donc, ils n'ignorent pas leur signification. Ils employaient ces mots-là et ils savaient ce que ça signifiait. Et aussi, parmi les exemples de ça, il y a la parole célèbre de l'imam Malik, qui montre le manhaj des salafs au sujet des attributs d'Allah, qui disait « Al-istiwa'u ma'loum, wal-kayfu majhoul, wal-imanu bihi wajib, wal-su'alu anhu bid'a. » C'est-à-dire que quand un homme est venu voir l'imam Malik, il lui a dit « Ar-Rahmanu ala l'arsh istawa » Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, il s'est élevé au-dessus de son trône. Comment s'est-il élevé? Kayfa istawa? Et l'imam Malik, son visage est devenu rouge. On a commencé à voir de la sueur sur son front apparaître, parce qu'il était en colère d'avoir entendu cette question, qui était une question très grave. Et il a répondu par cette réponse célèbre en disant Al-Istiwa, le fait de s'élever et de monter au-dessus de quelque chose, c'est quelque chose qui est ma'loum. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est connu. Les Arabes savent qu'est-ce que ce mot-là signifie. Ce n'est pas un mot inconnu ou étrange. Donc, il est ma'loum. Il n'a pas dit que c'est un mot qui est inconnu, qu'on doit remettre sa signification à Allah. Il a dit, al-istiwa ma'loum. Donc, c'est connu ce mot-là. Et qu'est-ce qu'il a dit après? Wal-kayfu majhoul. Donc, qu'est-ce qui est inconnu? Qu'est-ce qu'on ignore? C'est al-kayf, c'est-à-dire comment est cet attribut-là. Et ensuite, il a dit, wal-imanu bihi wajib. Et c'est obligatoire de croire en cet attribut, comme on doit croire à tous les autres attributs d'Allah. Et il a dit par la suite, wassu'alu anhu bid'ah. Et de demander la question à propos du commun des attributs d'Allah, ça c'est une innovation. Ça rentre dans les innovations. Donc, on n'a pas le droit de demander à propos du commun. En ce qui concerne toutefois la signification de ces attributs-là, eh bien, on n'a pas le droit de prétendre qu'on ne peut pas les connaître. On ne peut pas savoir sa signification. Donc, ça c'est qu'est-ce qui a rapport avec cette question-là. Donc d'affirmer que on doit faire le tafwid ou nier la signification des attributs d'Allah et de prétendre que ça c'est le manhaj des salafs, c'est un mensonge contre les salafs. C'est d'attribuer aux salafs quelque chose dont ils sont innocents, dont ils se désavouent. Et c'est pour ça qu'on dit donc la position de Hassan al-Banna sur ça, c'est une position qui est une position déjà de bid'ah, qui est en contradiction avec la vérité. Puisqu'il était ash'ari, et donc il suit la position des gens qui suivent qui sont de la secte des ash'ari. Et ça prouve son ignorance du madhhab des salafs. Et là. Donc, ensuite, un autre exemple de qu'est-ce que le cheikh explique par la suite, c'est que il parle aussi du fait que Hassan al-Banna a établi une allégeance, un serment d'allégeance, une bay'a en arabe, on appelle ça une bay'a. Lorsque quelqu'un étend sa main, puis il appelle les autres à venir mettre leur main par-dessus, puis de prêter allégeance, de faire un serment qu'ils vont écouter et obéir cette personne. Donc, lui, Hassan al-Banna, quand il a établi son groupe, il a fait ça de la même manière que comme on a dit à propos des Turcs soufis, il appelle à ce qu'on lui donne une allégeance, à une bay'a. Et le cheikh Zayd, il mentionne que ça, ce n'est pas permis d'appliquer ce genre de choses-là ou de pratiquer ce genre de choses-là, et en particulier dans un pays musulman. Parce que dans un pays musulman, l'allégeance est déjà donnée aux dirigeants de ce pays-là. Et les musulmans qui vivent sous ce dirigeant-là ont déjà une bay'a dans leur cou, qui les attache à ce dirigeant. Les représentants du dirigeant, c'est les gens qui, sont les, par exemple, les maires des différentes villes ou bien les juges, tous ces gens-là, parmi les musulmans dans la société, donnent l'allégeance à ce dirigeant. Donc, de venir par la suite et de demander aux gens une bay'a, alors qu'on n'est pas le dirigeant, ça c'est interdit, ça fait partie des innovations. Et même si les Ikhwan, eux, prétendent que c'est une allégeance sur le fait d'établir la bonté et la piété, yani, c'est pas quelque chose qui est acceptable, et c'est essayer de recouvrir la réalité ou de déformer la réalité de ce que ces gens-là sont en train de faire ou de suivre. Donc, il continue à parler de ça, il dit Amma al-mu'assis al-awwal li jama'at al-ikhwan. فإنه قال في خطابه ألا إن أركان بيعتنا عشرة فاحفظوها. Donc Hassan al-Banna, il a dit dans un de ses livres, il y a un recueil qui rassemble tous ses écrits, qui s'appelle Majmu'at Rasail al-Imam al-Shahid, parce qu'il l'appelle al-Imam al-Shahid, et on sait que premièrement il n'est pas un imam puisqu'il n'était pas parmi les ulama. Deuxièmement, il n'est pas non plus, on ne peut pas affirmer qu'il était shahid, puisque d'affirmer que quelqu'un est shahid, c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait. Et quand on pense du bien de quelqu'un et on souhaite pour lui le bien, on peut dire on espère de lui, on espère pour lui qu'il soit un shahid, mais on n'a pas le droit de l'affirmer comme si c'était quelque chose qui est déterminé ou certain, puisque ça c'est quelque chose qui dépasse notre connaissance. C'est Allah seul qui connaissait la réalité de qu'est-ce qui était dans le cœur de cet homme. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on retrouve souvent chez les Hezbollah quand ils veulent parler de leur chef ou de leur tête. Ils les décrivent avec des caractéristiques comme ça. Comme quand ils parlent de Sayyid Qutb, ils vont dire Al-Shahid. Ils disent même parfois Shahid ou l'Islam. Le martyr de l'Islam, Sayyid Qutb. Et même un des livres qui a été traduit justement de Sayyid Qutb, qui s'intitule en arabe Al-Mustaqbal li hadha ad-din, l'avenir appartient à cette religion. Eh bien, en français, la traduction de ce livre, c'était quoi? L'islam par le martyr. C'est-à-dire l'islam expliqué par le martyr. En parlant de lui, c'est en parlant de Sayyid Qutb. Ça montre la façon dont ils essaient de faire en sorte que les gens pensent de ces gens-là que ce sont des gens qui sont des modèles à suivre, et des gens, des modèles de piété et des choses de ce genre, alors que c'est des gens qui n'étaient pas des références pour les musulmans, puisque ce ne sont pas des ulama et ce sont des gens qui ramènent plein d'innovations dans la religion d'Allah. Donc, et d'affirmer qu'il est shahid, ça c'est, comme on l'a dit, c'est pas quelque chose qui est permis de cette façon-là. Donc, qu'est-ce qu'il disait, Hassan al-Banna, à la page 8 de ce livre? Il dit, les frères, ô vous les frères sincères, sachez que les piliers de notre allégeance, de notre bay'a, sont de 10. Alors, mémorisez-les. Donc, il a établi pour sa bay'a 10 piliers. Il a dit, premièrement, la compréhension, al-fahm, al-ikhlas, la sincérité, al-amal, l'action, al-jihad, le jihad, la lutte, التضحية le sacrifice, الطاعة l'obéissance, الثبات la fermeté, التجرد l'impartialité, الأخوة la fraternité, et الثقة la fiabilité. Donc ça fait partie des piliers qu'il a établis pour sa bay'a, et c'est ainsi que les gens ont pris le manhaj de Hassan al-Banna de cette façon. Il dit aussi, ensuite, le cheikh Zayd al-Madkhali, il dit, كَذَلِكَ إِذَنْ مَا حَقَّقُوا الْوَلَا وَالْبَرَاءَ الَّذِينَ تَحَدَّثُوا عَنْهُ هُنَا الآن في هذا الدرس فيما يتعلق بمؤاخاتهم ومصافاتهم للصوفية الضالة المضلة فقد أثنى عليهم مؤسس جماعة الإخوان ثناء عاطرا على طريقة تسمى الطريقة المغرنية لما احتفل بصاحب الطريقة محمد عثمان المغريني وألقى خطابا سجلته وثائق التاريخ قال إن دعوة الإخوان لا تنسى فضلهم وما قامت إلا على كواهلهم وما استقامت إلا بمساعيهم المغرنية وسماهم أقطاب الإسلام إلى غير ذلك من الأمور التي تدل على جهله بخطر الطرق الصوفية التي ليس لها مصدر من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مصدرها التلقي عن المكاشفات وما يدعى من الكرامات كما يقولون عن الكشف والوجد والمنامات والرؤى وما شاكل ذلك من المصادر التي جانبت كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Il dit que le même, de même que la voix de Hassan al-Banna et des Ikhwan n'ont pas établi le principe de al-wala wal-bara, le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah et de s'allier pour Allah et de se désavouer des gens pour Allah, ils ne l'ont pas appliqué. Dans ce qui concerne, par exemple, le fait de prendre pour de fraterniser avec les soufis, par exemple, qui sont des gens d'égarement, qui égarent les gens. Et le fondateur de cette jama'a, Hassan al-Banna, a fait des éloges, de grands éloges, à propos d'une tariqa qui s'appelle al-tariqa al-mighriniya. Et lorsqu'ils ont célébré la naissance ou l'anniversaire du fondateur de cette tariqa, Mohamed Othman al-Mighrini, Hassan al-Banna, en cette occasion-là, a fait un discours, et ce discours-là a été enregistré dans les annales historiques. Et donc, Inch'Allah, je vais vous lire une partie de ce qu'il a dit, mais avant de lire ça, on veut mentionner quelques points à propos de At-Tasawwuf et à propos de Al-Mighriniya, qu'est-ce que c'est, et certaines paroles de leur fondateur. Donc, Cheikh, dans les notes de bas de page, on dit à propos du soufisme, il dit « Summu bidhalika ila nisbatan ila libs al-souf ». Donc les soufis, on les appelle soufis, pourquoi? Parce que ça a rapport avec le fait de porter des vêtements de laine, na'am. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on les appelle soufis, à cause des vêtements de laine qui étaient portés par certains disent parce qu'ils ont vu des moines chrétiens qui portaient des vêtements de laine, et ça donne une apparence de piété, et du fait de se détacher de la dunya, parce que les chrétiens, les moines restaient dans les monastères, et ils ne s'adonnaient qu'à l'adoration, soi-disant. Donc, pour imiter cette tendance-là, ils ont donné ce nom-là à cette chose. Et il y a beaucoup d'autres explications sur l'origine du mot soufiya, parce qu'il n'y a aucune référence de ce mot-là dans le Coran ni dans la Sunna. Donc, certains ont ramené différentes explication, sauf qu'une des explications les plus valables, ce serait celle-là, celle que c'est de la laine. Et d'autres ont dit que As-Soufiya, peut-être que ça vient du mot, ils disent que ça vient de Sophia en grec, qui veut dire la sagesse, et c'est de là que vient la philosophie, philosophia en grec, qui veut dire l'amour de la sagesse. Donc certains ont fait des liens entre ces deux mots-là. Allahu a'lam. Après, il mentionne que les références pour obtenir la science de la religion chez les soufis et chez les différentes turuq et les différentes sectes des soufis se résume en trois références, parce qu'on sait que pour Ahlus Sunnah wal Jama'a, les références dans la science, c'est Al-Qur'an, Al-Sunnah wal Ijma'a. Ça, c'est nos références à nous. Tandis que pour les Mubtadi'a comme les Soufiya, ils ont toujours essayé de rajouter des références et des sources pour établir des verdicts de la religion ou pour établir leurs principes. Donc, parmi les soufis, ils ont ramené certaines innovations, par exemple, qu'est-ce qu'ils appellent al-kashf, ou al-zawq, ou al-wajd. C'est que certains d'entre eux vont prétendre, par exemple, qu'ils reçoivent des révélations dans les rêves. Ils font un rêve, puis dans leur rêve, soit ils disent qu'ils entendent Allah subhanahu wa ta'ala qui leur parle, ou bien que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vient pour leur parler. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est possible qu'on le voit dans un rêve, d'accord? Toutefois, les salafs, lorsque quelqu'un disait qu'il avait vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils leur demandaient de décrire celui qu'ils avaient vu. Hein? Parce que c'est possible que le shaitan, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le shaitan ne peut pas prendre mon apparence. Hein? Et donc, le shaitan, c'est vrai, ne peut pas prendre l'apparence du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un rêve. Toutefois, il peut prendre l'apparence de quelqu'un d'autre et prétendre être le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que ce n'est pas le cas. Hein? Et c'est pour ça qu'il demandait, décris-moi celui que tu as vu. Hein? Et quand il décrivait correctement, il disait oui, tu l'as vu. Et quand il décrivait incorrectement, il disait non, c'est pas lui que tu as vu, c'était quelqu'un d'autre. Et ces soufis, là, souvent, qu'est-ce qu'ils font? C'est que non seulement ils disent qu'ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils prétendent qu'il lui révèle des nouvelles règles de la religion. Des nouvelles prières, des nouveaux jeûnes, des nouveaux zikrs, des nouvelles compréhensions de l'islam. Dans les rêves. Et ça, c'est batil, hein, c'est complètement rejeté. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a complété la religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran, Al-yawm akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum l'islam adina. Hein? Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion, et j'ai parachevé sur vous mon bienfait, et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Donc, il n'y a plus d'autres révélations après. Hein? Et certains vont même jusqu'à prétendre qu'ils ont vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, non pas en rêve, mais même en état d'éveil. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient leur parler. Et parmi ceux qui ont ces idées-là, par exemple, c'est Ahmed Tijan, celui qui a fondé la tariqa Tijaniya. Il prétendait qu'il rencontrait le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ça, normal, régulièrement, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donnait des livres et des révélations et des choses de ce genre. Hein. Et ils ont dans la tariqa Tijaniya, ils ont un dua qu'ils font ou un zikr qu'ils récitent, qu'ils appellent Salatul Fatih, Al-Fatih lima ughliq. Hein. Et dans ce zikr-là, ils disent que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a enseigné directement à Ahmed Tijan. Et Ahmed Tijan a dit dans son livre à propos de ce zikr, dans son livre Jawahir al-Ma'ani, si je ne me trompe pas, c'est ça le titre, il dit dedans que celui qui récite ce zikr-là, hein, qui, ça fait peut-être c'est deux, trois lignes, hein, deux, trois phrases, que celui qui le répète, c'est comme s'il avait lu 6000 fois le Coran. D'accord? Donc ça c'est les mérites de réciter cette prière. Donc Allah al-Musta'an, il y a plus de mérite de lire ce zikr ou ce dua que de réciter le Coran 6000 fois. Et ça c'est une parole batil, yani, c'est complètement faux, yani. Et Ahmed Tijan, il est enterré à Fès au Maroc, et tous ceux qui sont de cette tariqa dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, eh bien quand ils passent là-bas, ils sont obligés, hein, d'aller faire un pèlerinage et d'aller faire une visite donc à cette tombe et des choses de ce genre. Et un des aspects spécifiques de la tariqa Tijaniya, c'est que Ahmed Tijan a interdit aux Tijaniya d'aller visiter n'importe quel autre saint de tout autre turq soufia. Il faut seulement qu'il visite les saints, soi-disant les awliya de la tariqa des Tijaniya seulement. Hein. Donc ça montre comment ils veulent le monopole de la sainteté pour eux-mêmes. Et même qu'ils se prétendaient le sceau des saints, c'est-à-dire celui qui a scellé la prophétie. Malgré que d'autres avant lui l'ont prétendu aussi. Allah musta'an. Comme si c'était lui le dernier des awliya. Donc, pour revenir avec al-tasawuf, donc ils ont al-kashf, ils ont al-dawq. Al-dawq, c'est le goût, hein, la saveur de l'adoration. Quand ils inventent des bid'ah, des innovations, des prières, des dhikrs, des choses comme ça, des danses qu'ils font quand ils sont dans leur mosquée, puis ils se mettent dans des états, ils rentrent dans des états de transe ou des choses de ce genre, puis ils se basent sur l'expérience qu'ils ont dans ces situations-là ou dans ces actions-là qu'ils font pour essayer de déterminer si une adoration est, qu'ils ont inventée est bénéfique ou non. Hein? Et donc, si tu leur demandes, s'ils parlent d'une telle ou telle prière, ou d'un tel dhikr, ou de telle telle façon de prier ou d'adorer, eh bien, leur cheikh va dire, par exemple, oui, je l'ai fait, je l'ai pratiqué, et ça ramène du bien, ça donne des résultats, donc c'est quelque chose de bon. Hein? Malgré qu'il n'y a aucune chose qui prouve cette chose-là dans le Coran ni dans la Sunna. Et Al-Wajd aussi, ça rentre tout dans ce genre de catégorie-là. Donc, ces gens-là se basent sur ce genre de choses-là. Et puis parfois, ils vont essayer, comme par exemple, de justifier le fait qu'ils prennent leur religion des rêves en disant qu'à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, certains sahaba parfois ont vu des choses dans des rêves, puis ils sont allés voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour lui mentionner ces choses-là, puis que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par la suite, a approuvé de ce que ces sahabis-là ont vu dans leurs rêves. Comme essayer d'utiliser ça pour justifier par la suite qu'aujourd'hui, si quelqu'un d'entre leurs chouyours voit un rêve, qu'on peut l'utiliser pour établir quelque chose de la religion. Et bien entendu, il n'y a pas de comparaison à faire entre les deux, puisque qu'est-ce que les sahabas pouvaient voir, par exemple, dans leurs rêves à l'époque? Eh bien, ça n'allait pas faire partie de la religion tant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne l'avait pas approuvé. Hein, et qui n'avait pas dit que oui, ça c'est quelque chose que on peut appliquer, mais tant que c'était pas le cas, ça fait pas partie de l'islam. Hein, donc par exemple, quand on mentionne dans les hadiths que le adhan, certains des sahabas avaient mentionné qu'ils avaient entendu le adhan dans un rêve, et puis ils ont mentionné ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a adopté pour appeler à la prière, hein, et des choses de ce genre. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui a été confirmé par la charia, hein, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a accepté. Donc, du moment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appliqué et l'a établi avant sa mort, donc ça fait partie de l'islam. Mais si c'est quelque chose qui vient après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le rêve de quelqu'un, on ne peut pas prétendre que ça fait partie de l'islam par la suite. Et le cheikh, il dit que اللي هو تحت كل قسم منها أقسام ودرجات وهذا لا ينفي وجود مصادر أخرى غير هذه الثلاثة. Donc ils ont d'autres sources et d'autres références qu'ils prennent comme référence pour établir leurs innovations et leurs pratiques religieuses autres que ces trois qu'on a mentionnés. Et ils ont pour chacun de ces trois là des degrés, des catégorisations qu'ils ont établies eux-mêmes dans leurs livres. Et même parmi leurs chouyours, si on regarde dans leurs livres, il y en a qui prétendent qu'ils vont même, il y a certains de leurs chouyours, ils ont dit qu'ils sont, quand ils ont atteint le degré de Al-Walaya, qu'ils peuvent même aller voir qu'est-ce qu'il y a dans Al-Lawh Al-Mahfouz. Hein. Ils montent jusqu'à Al-Lawh Al-Mahfouz pour voir qu'est-ce qui est écrit dedans. Et des choses de ce genre, Allah musta'an. En ce qui concerne Al-Mighrini, et la tariqa al-Mighriniya, il dit le cheikh nisbatan ila Uthman al-Mighrini thumma waratha abihi Muhammad Uthman al-Mighrini al-mutawaffa 1368 hijriyan والذي يقول عن نفسه من رآني ومن رأى من رآني إلى خمسة لم تمسه النار ولا حرج على ذلك فإن الله يختص برحمته من يشاء وسمى نفسه الختم أو خاتم الأولياء وجعل هذا الاسم علما على الطريقة الصوفية وجعل هذا الاسم علما على طريقته الصوفية حيث سماها الختمية أي خاتمة الطرق جميعا وهذا يدعيه في تفضيل نفسه على سائر الأمة جميعا بما فيهم أبو بكر وعمر. Donc Uthman al-Mighrini, c'était lui le fondateur de cette tariqa, puis son fils en a hérité par la suite. Souvent les soufis prétendent que al-walaya, c'est-à-dire le fait d'être un wali d'Allah, un rapproché d'Allah, un saint comme ils l'appellent eux, eh bien ils pensent que c'est quelque chose, que c'est le saint qui a le pouvoir de le donner à qui il veut, c'est-à-dire il peut faire de qui il veut un wali, lui aussi. Et que s'il était un wali lui-même, eh bien, automatiquement, sa descendance va hériter de cette sainteté-là. Hein, il va devenir lui aussi un wali. Hein. C'est pour ça que tu vois que c'est quelque chose qui devient par la suite familial. Hein. Toruk, ça devient un business familial par la suite. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que donc c'est son fils qui a hérité de cette tariqa, Mohammed Othman al-Mughrini, qui est mort en 1368. Et il disait à propos de lui-même, celui qui m'a vu, et celui qui a vu celui qui m'a vu, jusqu'à cinq personnes, eh bien le feu de l'enfer ne va pas le toucher. Donc ça veut dire, toi tu l'as vu, ça y est, le feu ne va pas te toucher. Puis quelqu'un te voit toi, eh bien celui qui t'a vu, toi, le feu ne va pas le toucher, jusqu'à cinq personnes comme ça. Ça fait partie des khurafat, yani des soufis, ils ont plein de bêtises comme ça dans leurs livres. Et il dit, et il n'y a aucun problème dans ça, parce que Allah, il choisit qui il veut, hein, il choisit qui il veut pour mettre sur qui il veut sa miséricorde. En voulant dire, Allah, il m'a choisi, ça c'est une miséricorde qu'il m'a donnée, et donc ça c'est quelque chose de particulier. Hein, pour moi. Et donc, ça c'est un exemple de qu'est-ce qu'il dit. Et il y a même des exemples pires que ça. J'ai lu dans un livre de Cheikh Saleh Souhaimi, il mentionnait l'exemple d'un des shuyukh au Sénégal qui s'appelle c'est pas Ahmadou Bamba. C'est Ahmed Oubamba, c'est le fondateur des Mourides, la Tariqa al-Mouridiyya. Non, celui-là c'est un Tijani. Et il a raconté une histoire dans un de ses livres, qu'une femme qui pratiquait pas son wird, hein, pratiquait pas son wird, c'est-à-dire elle faisait pas ces adhkar que la tariqa tijaniya ordonne de pratiquer, de réciter tous les jours. Et donc elle n'était pas assidue dans la tariqa. Mais il y a un homme qui l'a kidnappé, puis qui l'a ramené chez lui, puis qui l'a violé. Et après il dit que cette femme-là, donc en fait lui, en voulant dire, lui il est mort, cet homme-là. Puis il est rentré au paradis parce que il a reçu donc de la baraka du cheikh à travers cette femme en la violant. Hein. Donc ça c'est des exemples de paroles qu'on retrouve dans ces livres des soufis. Hein. Donc j'ai oublié malheureusement le nom de ce cheikh, mais Allah musta'an. C'est un des shuyukh qui avait une tariqa qui était. Il y a beaucoup de gens en Afrique de l'Ouest qui le suivent. En tout cas, c'est pas grave si je me rappelle pas. Si je me rappelle plus tard, je vais vous dire. Et après, il dit qu'il s'est nommé lui-même, c'est-à-dire Mohammed Othman al-Mughrini, il s'est appelé lui-même. Je sais pas s'il parle de Othman ou bien de son fils, mais il s'est appelé lui-même Al-Khatm. Ou Khatim al-Awliya, comme je disais par rapport à Ahmed Tijan. Eh bien, lui aussi s'est appelé Khatim al-Awliya. En fait, ils s'appelaient tous comme ça, Khatim, le dernier des Awliya. Allah musta'an. Et il a fait même de ce nom-là un signe pour sa tariqa soufiya. Il a appelé sa tariqa al-Tariqa al-Khatmiya. En voulant dire, c'est ma tariqa, c'est la dernière. C'est elle qui vient clore toutes les autres et terminer toutes les autres. Et en voulant dire que sa tariqa, elle avait un mérite qui dépasse le mérite de tout le reste de la Ummah et qui dépasse même le mérite d'Abu Bakr et Omar. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans toutes les turuq. Parce que chaque tariqa essaie de faire de la publicité pour elle-même, pour attirer plus de fidèles, plus de gens qui vont les suivre. Et Yanni se donne des éloges et se glorifie de cette façon-là, puis prétend que Yanni, celui qui rentre dedans, il ne va pas aller en enfer ou des choses comme ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Allah al-Musta'an. Oui, la personne dont je vous parlais tout à l'heure, le cheikh soi-disant soufi de la tariqa Tijaniya qui a dit la parole à propos de l'homme qui a violé la femme, c'était Ibrahim Nias du Sénégal, donc il est très connu. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Donc qu'est-ce qu'il a dit Hassan al-Banna à propos de cette tariqa? Imaginez, quelqu'un qui quelqu'un comme Othman al-Maghrini et Mohamed Othman al-Maghrini qui dit des paroles comme ça, et puis Hassan al-Banna il vient et il fait son éloge et il le glorifie et il parle de lui en bien, hein? Hassan al-Banna il a dit dans cet anniversaire, parce qu'on sait que presque tous les fondateurs des Turcs Soufiyas ils sont enterrés dans des tombeaux, puis on construit sur leurs tombes des mausolées ou bien des mosquées parfois, et chaque année les gens viennent pour faire des pèlerinages à cette tombe là ou durant l'année aussi quand ils ont besoin de quelque chose, parfois ils viennent égorger un mouton ou égorger quelque chose, puis demander au saint qui est enterré dans cette tombe là ou à cet homme qui est enterré dans cette tombe de les exaucer, de leur donner quelque chose, de les aider dans la dunya ou des choses de ce genre, ou de guérir une maladie. Et ça c'est du shirk, tout ça c'est du shirk, hein, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois ils le font, et parfois c'est entouré d'une, en même temps ils font une sorte de foire autour pour attirer les gens, puis les enfants viennent s'amuser, les personnes, les femmes, les hommes, ils viennent faire tout ça de jeux, puis il y a de la musique, des jeux, de la nourriture, tout ça de choses mélangées, puis il y a plein de choses aussi haram qui se passent là-bas dans ces endroits-là. Donc tout ça c'est pas seulement spécifique à cette tariqa, mais c'est dans presque toutes les turqs soufiyas. Et tout ça c'est des choses interdites, hein. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit Hassan al-Banna? Il a dit, la da'wa des ikhwan n'oublie pas leur mérite, hein, parce qu'elle n'a pas été établie, acceptée par ces hommes-là, et qu'elle n'a pas été établie que par leur l'aide et les efforts de al-Maghriniya. Hein. Donc, ça c'est un discours que Hassan al-Banna a fait à Dar al-Ikhwan, au Caire, le 9 juin 1948, lorsqu'ils sont allés visiter le cheikh de la tariqa à cette époque-là, qui s'appelait Mohammed ibn Othman al-Maghrini, celui qui avait hérité la tariqa de son père. Donc ça c'est quelque chose qui est enregistré, qui est connu, hein. Personne peut parmi les ikhwan nier cette réalité-là. Donc il les a aussi nommés Aqtab al-Islam, c'est-à-dire les pôles de l'islam. Et il a dit à propos des soufis, il y a plein d'autres paroles qui montrent son ignorance du danger des turcs soufis. Qui a aucune source dans le Coran, le livre d'Allah, ni dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais qui se base uniquement sur ce genre de Mukashafat, des idées de qu'est-ce qu'il trouve dans des rêves, dans des soi-disant des visions, ou comme il dit des qu'est-ce qu'ils appellent les éloges, les prodiges, les karamates, ou des choses comme ça, ou les visions, c'est de ça qu'ils prennent leur religion. Et c'est toutes des choses qui sont en opposition ou qui sont loin du Coran et de la Sunna. Ensuite le cheikh il dit ثم إن المؤسس أشاد بالصوفية بالطريقة التي تربى فيها التي تربى فيها حسن البنا وهي الطريقة الحصافية وأثنى عليها في كتابه مذكرات الدعوة والداعية. Donc de plus, Hassan al-Banna il a encore fait des éloges du soufisme, et il a mentionné justement ses relations avec le soufisme dans lequel lui-même il a été éduqué. En parlant de la tariqa al-Hisafiyya, qui était sa tariqa à lui, la tariqa dans laquelle il a grandi, il a fait même une allégeance, une bay'a à cette tariqa, qui est une tariqa de bid'a, comme toutes les autres. Et qu'est-ce qui est bizarre aussi, pas bizarre, mais qu'est-ce qui est étrange d'une certaine façon, c'est que, bon, le petit-fils de Hassan al-Banna, c'est Tariq Ramadan, tout le monde connaît Tariq Ramadan. Tariq Ramadan est le fils de la fille de Hassan al-Banna. Hassan al-Banna avait une de ses filles qui s'appelait Fatima et il l'a donnée en mariage à son secrétaire qui était Saïd Ramadan. Et de ce mariage-là est venu Tariq Ramadan, Hani Ramadan, puis les autres enfants qu'ils ont eus. Donc, c'est des gens qui sont grandis dans un environnement de tasawwuf, de soufisme. Hein, c'est ça leur éducation. Et quand Tariq Ramadan a fait un cours sur la vie de son grand-père, hein, eh bien, il a mentionné qu'il a été dans la Tariqa al-Husafiyya. Puis, pour essayer de couvrir l'affaire, il a dit, mais c'est une Tariqa qui est, hein, il dit, le cheikh de cette Tariqa était 100% en accord avec la Sunna. Comme s'il n'y avait rien dans cette tariqa qui contredit la sunna. Et bien entendu, ça c'est des prétentions qui sont fausses et qui sont faciles à prouver comme étant fausses. On peut facilement prouver que ce sont des faussetés. Puisqu'il n'y a pas une tariqa soufie à accepter qu'elle est dans la bid'a. D'accord? Et il y a bien entendu des degrés d'égarement parmi les soufis. Il y a des turcs soufis qui vont même jusqu'au shirk akbar. Le kufr akbar, c'est-à-dire qu'elles sont, c'est des tours qui sont en dehors de l'islam, celles qui croient en wahdatul wujud et en al-hulul et des trucs de ce genre, et ça c'est la majorité des tours, hein. Et sinon elles ont quand même des croyances ou des pratiques qui sont innovations, qui sont des bid'ah, qui sont pas prouvées par le Coran et la Sunna. Donc ça c'est le moindre des cas, tu vas trouver chez eux des bid'ah, hein, même s'ils sont pas nécessairement en dehors de l'islam. Donc, de dire qu'il était 100% en accord avec la Sunna, ça c'est un mensonge. Hein? C'est un grave mensonge. Et Al-Hisafiyya, c'est attribué donc à une tariqa, la tariqa de celui qu'on appelle Husnayn Al-Hisafi. Et c'est lui le premier cheikh de cette tariqa. Et il dit نسبة إلى حسنين الحصافية وهو شيخ الطريقة الأول ووالد شيخها الحالي عبد الوهاب الحصافي. Donc il dit c'est le Husnayn, c'est le père du cheikh de la tariqa qui est actuellement le chef de cette tariqa, c'est عبد الوهاب الحصافي. Et c'est une des turuq parmi les turuq soufiya. Et si je ne me trompe pas, c'est une des branches de la tariqa Shaziliya, hein, une des branches de la tariqa Shaziliya. Donc, le cheikh, il dit, après avoir mentionné ça après, il dit, إذن على هذا لماذا نحمل هذا المنهج وندرس كتب هذا المنهج ونوالي من انخرط في سلك أصحاب هذا المنهج ونترك المنهج الصافي منهج سلفنا الصالح الذين أخذوا علمهم من كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وترسموا خطى العلماء الربانيين كالأئمة الأربعة ومن قبلهم ومن بعدهم على منهج الحق ولم ينخدعوا بأقوال أهل البدع. Donc le cheikh dit, donc si c'est le cas, on a vu maintenant plusieurs des erreurs dans les fondements chez le fondateur de cette tariqa, ou de ce groupe, les frères musulmans. Donc on voit que le fondateur même était dans l'égarement total et qu'il n'était pas sur la voie des salaf salih. Donc, dans ce cas-là, pourquoi on prend ce manhaj? Pourquoi on va se référer aux frères musulmans et on va suivre leur manhaj? Et comment on va lire les livres des gens qui sont sur ce manhaj? Et comment on va prendre pour alliés ceux qui se sont, hein, ceux qui sont devenus membres et qui ont suivi les gens qui sont sur ce manhaj, hein? Et on va laisser de côté et abandonner le manhaj pur des salaf salih, ceux qui ont pris leur science et leur pratique, hein, et leur religion du livre d'Allah et de la sunna de leur prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui ont suivi les pas des ulama rabbaniyin comme les quatre imams, hein, les quatre imams des madahib, l'imam Ahmad, l'imam Shafi'i, l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, hein, et les autres parmi les grands imams de l'islam. Aucun d'entre eux n'était soufi. Aucun d'entre eux n'était dans une tariqa. Aucun d'entre eux ne faisait partie d'une secte de bid'a. Ils étaient tous sur le Coran et la sunna et la voie des salafs et leur compréhension. Hein? Et ils étaient loin des innovations. Et ils détestaient les gens de bid'a. Et ils s'écartaient d'eux, ils ne voulaient même pas les écouter ni les voir. Hein? Donc pourquoi on va s'écarter de la voie de ces grands hommes-là? Que la Ummah a témoigné de leur guidance, hein, et de leur science, et de leur piété, et de leur compréhension de l'islam. Hein. De même que ceux qui étaient avant eux, qui ont suivi ce manhaj, le manhaj de vérité, et qui n'ont pas été trompés par les paroles des gens de bid'ah. Donc ça c'est très important, puisque ça fait partie de Al-Wala wal-Bara. L'application de Al-Wala wal-Bara, c'est le fait de se désavouer de ces groupes-là, et de leurs fondateurs, et de leurs livres, et de leurs prêcheurs, et de leurs groupes, et ainsi de suite. Hein? Et de se désavouer d'eux. Si tu prétends que tu aimes pour Allah, et que tu détestes pour Allah, puis que par la suite tu adhères à ces gens-là, et à leurs principes, et à leurs idées, et que tu lis leurs livres, que tu écoutes leurs prêcheurs, ça veut dire que tu n'aimes pas pour Allah. Et ça veut dire que tu détestes pas pour Allah. Ça veut dire que tu suis tes passions. Ça, c'est la réalité. Hein? Parce que tu ne peux pas aimer la vérité et le faux en même temps. Et accepter l'erreur et l'égarement. Accepter la sunna et la bid'a. Accepter en même temps le tawhid et le shirk. Hein? C'est pas possible. Tu ne peux pas aimer ces deux choses-là en même temps. Et il y a des tendances de gens aujourd'hui, parmi les gens qui se disent salafiyins, et qui essaient de faire en sorte qu'on ouvre la porte aux gens de bid'a. Dans le sens que on cesse de les critiquer et qu'on essaie de se rapprocher d'eux et qu'on leur ouvre les bras et qu'on dise oui, c'est, on est tous corrects, on est tous salafis, on est tous sur la sunna, hein, et qu'il faut pas critiquer les gens de bid'a et qu'il faut pas les éloigner. Et ils disent les ikhwan font partie de ahl sunna, et ils disent tablir font partie de ahl sunna, et ils essaient de faire rentrer ces gens-là à l'intérieur des limites de qu'est-ce qu'il y a dans, hein, la sunna. Et ça c'est grave, hein, ça c'est un mensonge aussi. Et parmi ces gens-là qui font ce genre de choses-là, il y a des individus qui se sont présentés comme étant des salafis, puis qui par la suite sont devenus des ennemis de la salafie, hein, et qui ont déclaré la guerre aux salafis et aux ulama qui appellent à la salafie, hein. Parmi ces gens-là, on a retrouvé un homme qui a fait justement une grosse fitna dans la Ummah qui s'appelle, hein, Abu al-Hassan al-Ma'ribi. Hein? Ça, c'était un de ceux-là. Et il y a également par la suite d'autres personnes qui ont ramené des règles pour essayer de faire en sorte qu'on ne critique pas les gens de bid'a et qu'on les accepte. Hein? Comme par exemple Adnan Ar'our, hein? Qui a ramené des règles, hein? En voulant dire Nusahih wa la nujarrih. On corrige, mais on, hein, on fait pas de jarh, on fait pas de critique. Hein? Ou bien, إذا حكمت حكمت. Si tu juges, tu seras jugé. Et plein d'autres principes et de règles qu'ils ont inventés comme ça, pour qu'on parle pas contre les innovateurs et les gens de bid'ah. Et quand on a lu ces règles et ces principes aux ulama, al-sunnah, ils ont réfuté ces règles et ces principes-là une par une. Et ils ont mentionné que ça, ce sont des règles de mudahana, des règles de compromis pour des gens qui veulent essayer de se rapprocher des gens de bid'ah et qui veulent, hein, qui veulent faire plaisir aux gens d'innovation et de bid'ah. Et parmi eux, il y a aussi il y a un takfir qui a été réfuté par la majorité des ulama aussi, hein, qui s'appelle Muhammad al-Mahrawi. Mohamed al-Mahrawi au Maroc. Et il y a aussi parmi ces gens-là, parmi ceux qui ont été dans cette fitna, Oussama al-Qawsi, en Égypte. Et il y a d'autres aussi, Mohamed Hassan et Abu Ishaq al-Huwaini. Et également maintenant, dernièrement, Ali Hassan al-Halabi, qui lui aussi essaie de tout faire pour justement défendre ses amis. Hein, qui sont sur ces tendances-là. Et il y a Abdurrahman Abdul Khaliq au Koweït, qui est un Égyptien d'origine, qui suit cette tendance-là, qui suit la voie des Sourouïa et des Qutbiyin. Et il y a leur groupe qui s'appelle Jam'iyat Ihya al-Turath, hein, qui aussi, justement, avec l'argent qu'ils ont, crée beaucoup de fitna entre les Salafiyin. Et justement, c'est eux qui ont financé Al-Mahrawi, qui lui ont donné des millions pour ouvrir justement ces écoles au Maroc, et qui finance plein d'autres yani, prêcheurs, soi-disant, pour les aider financièrement, mais avec de l'argent, qui fait que ça crée beaucoup de fitane pour eux, parce que on leur ordonne par la suite de ne pas critiquer les gens de Bid'a, et ainsi de suite, en échange de cet argent. Et donc, c'est des gens comme ça, pourquoi on voit maintenant Ali Hassan, qui auparavant faisait partie des élèves, hein, il y en a des gens qui appelaient à la salafia, qui a étudié avec Al-Albani, Cheikh Al-Albani, et qui a appris beaucoup de lui, et qui par la suite maintenant retourne sa veste et qui contredit les principes que lui-même avait, hein, l'habitude d'enseigner auparavant, et qui maintenant se retourne et qui défend des gens qui ont ramené des innovations et des principes d'égarement et de bid'ah, et qui yani, défendent les innovateurs et qui critiquent les salafiyins. Donc comment quelqu'un peut se retourner de cette façon-là et agir de cette façon-là et défendre des gens qui ont des égarements clairs dans leurs principes et dans leur compréhension de l'islam et prétendre que ce sont des salafis et que ce ne sont pas des gens qui ont dévié. Tout ça, ça fait que ça crée des fitanes entre les salafiyins. Donc ces gens-là, ils ont d'ennemis actuellement que les salafiyins. Ils se disent salafis, mais ils n'ont d'ennemis que les salafis. Ils sont doux comme le miel avec les innovateurs, avec les hizbiyins, et ils sont durs et sans pitié avec les gens qui s'accrochent au Coran et à la Sunna et qui réfutent les gens de bid'ah. Donc, il faut faire attention à ces gens-là et justement ne pas se laisser trompé par eux, parce que c'est des gens qui essaient de mélanger la vérité et le faux, et de rendre les choses floues, de rendre les choses qui sont claires, ils veulent les rendre floues et mettre des doutes et de la confusion entre les salafiyins. Et il y en a de ces gens-là en Angleterre, ici en France, en Europe, un peu partout, au Canada, aux États-Unis, qui suivent cette tendance-là aussi et qui se prétendent salafi, Allah al-Musta'an. Donc il faut faire attention à ces catégories-là. En ce qui concerne les gens qui sont clairement des hizbiyyin, sur la voie des hizbiyya, de la hizbiyya, bien, leurs prêcheurs commencent de plus en plus à se faire montrer, à se faire voir, et en particulier par leurs vidéos qu'ils mettent sur YouTube et sur Dailymotion. C'est des gens qui essaient d'imiter les prêcheurs qui prêchent sur les chaînes satellites, et vu qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir encore des chaînes de télévision, eh bien ils utilisent YouTube et Dailymotion pour propager leurs égarements. Et ils essaient de se donner une apparence de la Sunna, et quand ils parlent, ils vont citer Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Uthaymeen, Cheikh Al-Fawzan, ils vont citer leurs noms, mais dans leur méthodologie de la da'wa et dans leur attitude envers les gens de bid'a, ils opposent la voie des salaf al-salih. Et ils opposent leur manhaj. Donc, le musulman, le jeune salafi, doit être très sur ses aguets, et il doit faire très attention, hein, de ne pas se laisser tromper par l'apparence de ces gens-là, et voir que si ces gens-là appellent à écouter ou à suivre des prêcheurs qui ne sont pas sur la voie des salafs et qui sont sur la bid'a, hein, surtout ceux qui sont à la mode dans les chaînes satellites aujourd'hui, eh bien, de se méfier de ces gens-là. Ensuite, le cheikh, il dit, on va, inshallah, s'arrêter après ce paragraphe. Le cheikh, il dit, وَكُلَّمَا طَلَعَ صَاحِبُ بِدْعَةٍ فِي الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ الْأُولَى الْمُفَضَّلَةِ تَصَدَّ لَهُ عُلَمَاءٌ رَبَّانِيُونَ فَرَدُّوا عَلَيْهِ بِدْعَتَهُ وَأَشْهَرُوا أَمْرَهُ وَحَذَّرُوا النَّاسَ مِنْهُ فقد بينوا بدعة القدرية ونفاة القدر وبينوا بدعة الجهمية وبينوا بدعة المعتزلة وهكذا كلما نبتت بدعة شيطانية بينها أولو العلم الذين فهموا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم فهما صحيحا ينير الطريق وتنشرح له الصدور ويبصره من أراد الحق ليعيش في ظله ويموت عليه. Donc le cheikh, il dit, chaque fois qu'un mubtadi, parmi les trois premiers siècles de l'islam, est apparu, chaque fois qu'un mubtadi apparaissait, les ulama les réfutaient. Et ils lui réfutaient sa bid'a. Et ils le faisaient connaître. Ils faisaient connaître sa situation et son état. Et ils avertissaient les gens contre lui. Et ils ont réfuté et clarifié la bid'a des Qadariya, ceux qui nient la prédestination. Et ils ont clarifié la bid'a des Jahmiya. Et ils ont clarifié la bid'a des Mu'tazila. Et ainsi que toutes les autres bid'a diaboliques, ils les ont toutes réfutées et clarifiées. Hein? Donc, qui a fait ça? Ce sont les hommes de science qui ont compris le Coran, le livre de leur Seigneur et la Sunna de leur prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec une compréhension correcte qui illumine et éclaire le chemin pour eux et ouvre leur poitrine et leur cœur et fait voir à celui qui veut la vérité pour que la personne qui veut suivre la vérité puisse vivre dans l'ombre de cette vérité et mourir dans cette vérité-là. Hein? Et donc, il dit ensuite, « وهكذا لما جاءت البدع المتعددة كبدعة الصوفية تصدى لهم العلماء الربانيون فرد عليهم ابن تيمية رحمه الله وهو الإمام الفذ المجدد الناصح ورد عليهم تلميذه ابن القيم وغيرهما من علماء الشريعة ردوا عليهم بدعة الصوفية وأخبروا بأن دين الله كامل وأن هؤلاء الصوفية أتوا بأمر محدث جديد ليس له علاقة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي ذكر التصوف بحال من الأحوال ولهم طرق متعددة لا يستطاع حصرها في مقام أو مقامات ولكن على العموم يحذر من جميع طرقها الغلاة وغير الغلاة وأخفها اجتماعاتهم على أذكار ليس لها أساس في القرآن الكريم ولا في كتب الحديث كالصحاح والسنن والمسانيد وكتب الأذكار وإنما هي أذكار مبتدعة. Donc le cheikh il dit de même que d'autres innovations qui sont apparues, qui sont très nombreuses par la suite, parmi les bid'a des soufis, et les ulama, lorsqu'ils ont vu apparaître ces innovations-là, ils les ont réfutées, comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, et c'était un des grands imams, un des mujaddidin qui est venu réformer la religion et ramener la religion à sa pureté. Et c'était un homme sincère qui a donné la nasiha à la umma, de même que son élève Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, lui aussi, et d'autres parmi les ulama de la sharia, ils ont réfuté les innovations des soufis. Et ils ont informé les gens que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est complète. Et que ces soufis ont ramené quelque chose qui est nouveau, qui est innové. Et que ces innovations-là n'ont aucun lien avec le livre d'Allah et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que la mention du tasawwuf, le terme tasawwuf lui-même et les pratiques des soufis, on ne les retrouve pas du tout dans les textes du Coran et de la sunna, ni dans les paroles des salafs. Et ils ont beaucoup de voix, de nombreuses voix, on ne peut même pas les compter tellement elles sont nombreuses. Et de façon générale, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'elles sont toutes ce sont toutes des voix contre lesquelles il faut avertir les musulmans et mettre les musulmans en garde. Et en passant, justement, vous allez constater que les kuffars, parmi les juifs et les chrétiens, les athées, les laïcs et les autres, ils font tout leur possible pour que le soufisme soit la voie qui est propagée dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans. Parce que c'est une voie qui correspond avec leurs objectifs et avec leurs passions et avec leurs idées et avec leurs désirs. Puisque c'est des voies déviées, qui ressemblent au christianisme, qui ressemblent au soufisme, qui ressemblent au bouddhisme, qui ressemblent aux autres formes de spiritualité qui sont des spiritualités établies sur le shirk. Et beaucoup des idées des soufis sont inspirées justement des autres religions, inspirées du bouddhisme, inspirées de l'hindouisme, inspirées du christianisme, inspirées du judaïsme, inspirées des philosophies grecques et de toutes les autres philosophies d'égarement qui sont venues même avant l'islam. avant le Coran et la Sunna. Et donc ces gens-là ont ramené ces choses-là, puis ils l'ont recouvert d'islam, essayé de faire passer ça comme étant la religion d'Allah. Et ça, ça rentre avec les idées des koufars, et ils sont satisfaits de cette forme d'islam-là, hein, parce que c'est un islam déformé, qui est loin de la réalité, et qui prône l'adoration et la vénération des tombes et des saints. Hein. Donc ça, ça fait leur affaire. Hein. Et il y a beaucoup d'autres raisons pourquoi les koufars insistent sur ça, et donc il faut faire attention justement à ça. Ils vont essayer de mettre au-dessus des musulmans des gens qui ont ces croyances et ces pratiques-là. Donc il faut mettre en garde contre eux encore plus. Et le cheikh il dit donc il faut mettre en garde contre les soufis de façon générale, que ce soit les turuq parmi elles qui sont parmi les extrémistes et qui rentrent même dans le kufr et dans le shirk, ou même celles qui ne sont pas extrémistes et qui ont par exemple, parmi les bid'as qu'ils ont, les moins graves parmi leurs bid'as, c'est le fait de se réunir pour faire des zikr, hein, quand ils le font en groupe, et ainsi de suite. Et elles n'ont aucun leurs zikr n'ont aucun fondement dans le Coran et dans la Sunna, ni dans les formules qu'ils emploient, ni dans la façon de les faire, hein, et dans les méthodes. Donc c'est pour ça que c'est des innovations. Et même, qu'est-ce que le cheikh il mentionne ici, il dit que ça c'est la moindre de leurs bid'ah, mais si on se souvient de l'exemple d'Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, quand il a trouvé des gens assis en cercle dans la mosquée en train de compter avec des pierres subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, il a condamné ce qu'ils faisaient et il a mentionné qu'ils étaient en train d'ouvrir une des portes d'égarement. Hein? Et les sahabas ont dit que on a trouvé que ceux qui étaient dans la mosquée en train de faire ça, qu'ils étaient parmi ceux qui ont combattu les sahabas le jour de An-Nahrawan, lorsqu'il y a eu la bataille entre les sahabas et les khawarij. Donc la plupart de ces gens-là qui étaient dans la mosquée en train de faire leur zikr avec des pierres assis en cercle, et dans chaque cercle il y avait un homme qui disait dites subhanallah, et les gens répétaient, eh bien quand on les a retrouvés plus tard, ils étaient parmi les khawarij, ceux qui tuaient les sahaba et qui faisaient la guerre aux sahaba. Donc une petite bid'a peut commencer comme on la voit comme étant quelque chose de petit, puis elle dégénère et elle grossit jusqu'à ce qu'elle devienne plus grave encore, et elle amène encore plus à l'égarement. Donc ces formes de zikr que vous voyez les soufis en train de faire, eh bien elles n'ont aucune référence dans le Coran ni dans les livres de hadith, même dans les sihah, yani al-Bukhari, Muslim, al-Nasa'i, al-Tirmidhi, Ibn Majah, Abu Dawud et Musnad al-Imam Ahmad, ou bien al-Muwatta al-Imam Malik, ou les autres livres qui réunissent les adhkar de la Sunna, on ne retrouve pas dans ces livres-là rien de ces formes de zikr que ces gens-là sont en train de pratiquer. Ce sont que des innovations, des bid'ahs, hein. Et donc c'est obligatoire aux musulmans de s'en écarter et de rejeter ce genre de pratiques-là. Et donc on va s'arrêter ici inshallah, puis on reprendra après la prière de Asr inshallah pour la suite. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين